Bonjour Paulin. Bonjour Serena. Eh bien aujourd'hui, nous allons faire les flop cruise du moment gênant. Flop cruise. Alors Paulin, c'est quoi pour toi les flop cruise du moment gênant? Alors le moment gênant, donc c'est pendant un film, autour du film, enfin, c'est pas forcément, voilà, oh, c'est pas que au cinéma, tu vois, c'est le moment gênant de la carrière de Tom Cruise. En tant que personnage, ou, voilà. Donc j'ai, voilà, une petite liste de 4 trucs. Alors mention spéciale quand même Valkyrie, parce que c'est un peu gênant tout ce qui s'est passé autour de ce film, notamment le fait que t'as un pays qui dit bah non, en fait un pays entier quand même qui dit non, ce film ce sera non parce que ce monsieur est scientologue, donc c'est un peu gênant quand même quand ton boulot c'est de faire des films et qu'il y a un pays qui refuse carrément. Bon, c'est un peu embarrassant. Et après du coup on va parler de 3 moments ou films. Je vais commencer en numéro 3 par Legend. Gênant pourquoi? Alors c'est pas pour le contenu, etc. C'est pour le flop que ça fait par rapport à l'ambition du truc, quoi. Mmh. C'est quand même Ridley Scott, c'est quand même un gros machin. Et des flops, il n'y en a pas eu 20 000 dans la carrière de Tom Cruise niveau thune. Et ça, c'est un peu gênant quand même que t'es un grand cinéaste, que t'aies beaucoup de moyens et que t'as un film qui marche pas. Ça, je me dis, dans c'est une vrai. Carrière, c'est un peu gênant. C'est un petit peu embarrassant, tu vois. Quand il y a un moment, il faut faire les comptes, tu dis, oh, ça, c'est peut-être pas. On va peut-être pas trop mettre en avant, tu vois. Voilà. Ensuite, une performance de la gênance. Oh non, c'est quoi? C'est Losing It, parce qu'en fait, mais à la fois, c'est positif. Parce qu'en fait, il joue le gamin qui est gêné tout le long du film. Et du coup, et le film est très gênant aussi, quand même, par rapport à ce qu'il raconte. Et du coup, ce film, je trouve, incarne la gêne. Parce que tu le regardes, t'es un peu gêné, parce que c'est un peu nul. Lui, le personnage, il est gêné et tout est gênant dans ce film, le visionnage, le contenu, tout ça. Donc Losing It, je sais plus comment ça s'appelle en français, American Teenagers. Voilà, ça c'est gênant. Et numéro 1, c'est je pense le moment le plus gênant de sa carrière qui a gêné beaucoup de gens, c'est la séquence du canapé chez Oprah Winfrey, parce que ça a quand même été un tournant où tout d'un coup tout le monde a fait what, il est trop bizarre. Oprah Winfrey même, tu vois quand tu revois les vidéos qu'elle est méga gênée, qu'elle sait pas du tout comment gérer l'affaire. Elle en a reparlé des années après en disant j'aurais dû faire autrement parce que c'est parti complètement en latte. Katie Holmes qui va chercher dans les coulisses, qui ramène et tout, elle a l'air trop gênée. Steven Spielberg était gêné aussi. Enfin tu vois, toute l'industrie d'Hollywood tout d'un coup se dit qu'est-ce qui s'est passé, quoi. Et c'est vraiment un moment qui c'est un gros moment de bascule où tout d'un coup c'est trop enfin. C'est vraiment. Après, du coup, tu passes la gêne et carrément, ça commence à couper les ponts. Mais ce moment-là, c'est le moment de gêne ultime, je pense, dans la carrière de Tom Cruise. C'est vrai que c'est difficile à voir cette scène. Même sur YouTube, t'as vraiment du mal à la regarder jusqu'au bout. Tu comprends pas trop ce qui se passe. En plus, t'as toute l'euphorie du public qui est chauffé à fond. Lui, il en fait des caisses. Il saute à pieds joints sur le canapé. Il redescend au sol. Il tape le sol. Il crie. Il prend Oprah Winfrey dans ses bras. Tu te dis, mais ça ne veut rien dire. C'est absurde. Ouais. C'est complètement fou. Lunaire. Voilà. Bon top 3, 4. Flop 3 plus une mention. Flop, c'est vrai. Flop cruise. Eh bien, merci Paulin. Avec plaisir. À demain. À demain, des bisous.